ciel rouge, la poussière s'élève. Mes bottes s'enfoncent dans la terre sèche. Un souffle chaud traverse la plaine. Riders qui l'avancent, marqué par la haine. Le whisky brûle, mes lèvres fendues. Le désert gronde, mes balles sont perdues. Chaque pas résonne comme un glas. Un vieux cowboy qui n'oublie pas. Dust and whiskey, night and flame. Cowboy spirit, call my name. A monarch you cry, saxophone bleeds. Rider's kill rides where the west still leads. Des chances oubliées, des fantômes d'hommes qu'on a enterrés. Sous la lune, les échos me guident. Les cactus veillent leurs ombres rigides. Ma voix rauque fend l'horizon. Les plaines tremblent sous mes chansons. Chaque note frappe comme un canon. Un cowboy maudit en procession. Dust and whiskey, night and flame. Cowboy spirit, call my name. Man at the crisis, saxophone bleeds. Rider's kill rides where the west still leads. Rider's kill marche, les étoiles atteignent, la poussière tombe.